La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'esprit critique ? Penser, n'est-ce pas être capable de dire à sa propre pensée dans une sorte d'étonnement, sinon qu'elle se trompe, du moins qu'elle mérite d'être reprise, modifiée, réadaptée en certains points trop bien fixés. C'est en tout cas ce qu'expliquait, avec des mots mieux choisis que les miens, le philosophe Alain. « Penser, c'est dire non », écrit-il. « Le signe du oui est d'un homme qui s'endort. » Au contraire, le réveil secoue la tête et dit « non ». Non à quoi ? Au monde ? Au tyran ? Au prêcheur ? Ce n'est que l'apparence. En tous ces cas-là, c'est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l'heureux acquiescement. Elle se sépare d'elle-même, elle combat contre elle-même. Il n'y a pas au monde d'autre combat. Ce qui fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c'est que je consens, c'est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c'est que je respecte au lieu d'examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette somnolence. C'est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. Fin de citation. L'esprit critique serait donc le moteur de la pensée même. Mais comment le définir? Par quoi le caractériser? Et surtout, comment l'enseigner, le transmettre, le faire vivre, et éventuellement le critiquer en vertu de lui-même? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot. Vos travaux portent sur les croyances collectives et notamment sur les effets qu'a sur elles le contexte culturel. Vous avez par exemple comparé la résistance au darwinisme dans deux cultures différentes, en Amérique et en France. Vous avez mené d'autres enquêtes portant sur des sujets aussi divers que les mécanismes d'entrée dans une secte, ou la disparition de la croyance au Père Noël chez les plus jeunes, ou encore, ça sera le sujet d'une partie de notre discussion, sur les processus de radicalisation. Et vous venez de faire paraître un livre intitulé « Déchéance de rationalité » avec comme sous-titre « Les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou ». Alors, on va parler de cet ouvrage, mais je voudrais commencer par entamer avec vous une discussion sur ce que vous appelez les biais cognitifs, le fait qu'on se trompe, en tout cas que notre cerveau, spontanément, ne pense pas ce qu'il convient de penser en telle ou telle situation, et vous parlez notamment du biais de négligence des taux de base. Alors, c'est un peu compliqué, on va donner un exemple qui est celui que on trouve dans votre livre, page 144, qui est celui-ci. On a une population humaine, une maladie apparaît et elle concerne une personne sur 1000. Les chercheurs mettent au point un test dont l'efficacité est de 95%. Ça veut dire que dans 5% des cas, une personne déclarée positive par ce test, en fait, n'est pas malade. Exact. On demande aux gens, voilà, une personne est positive à ce test, quelle est la probabilité qu'elle soit malade? Et la réponse spontanée, j'ai pu le vérifier dans mon entourage, c'est sachant que l'efficacité du test est de 95%, ben, la probabilité est de 95%. Or, la bonne réponse est 2%. Oui, elle est très contre-intuitive. Elle est très contre-intuitive. Alors, on pourrait faire un calcul, mais on va pas le faire à la radio, pour vérifier ce chiffre de 2%, mais il vient de ce que, si la population est très nombreuse et si le nombre de personnes malades est très faible, un test qui n'est pas efficace à 100% va déclarer des malades qui ne sont pas malades, voilà. Parce qu'il portera sur une statistique très grande. Il y aura plus de faux positifs que voilà. De vrais positifs. Voilà. Donc si on est positif, on a toutes les chances de ne pas être malade. Voilà, c'est donc ça veut dire qu'un test ne doit être appliqué que si son efficacité est très proche de 100%. Ou alors le faire avec beaucoup de prudence, justement, avec un peu d'esprit critique, c'est-à-dire en tenant compte éventuellement des pentes naturelles de notre esprit qui vont nous conduire à mal interpréter ce genre de résultat. Je tiens à dire que ce type de résultat que vous avez pu obtenir dans votre environnement familial et amical a été testé expérimentalement. y compris avec des médecins, et c'est là où c'est un peu inquiétant, c'est que la majorité des médecins ont donné cette réponse fausse de 95%, ce qui veut dire que vous pouvez être conduit à faire un test imparfait sur une maladie très inquiétante et que votre médecin peut vous déclarer donc positif à cette maladie sans que vous le soyez vraiment. On imagine les dégâts que ça peut occasionner. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui on fait des tests croisés pour ce genre de maladie, justement pour réduire ce type de risque. Là où la question était intéressante, parce qu'on parle aussi de radicalisation, c'est que ce type de problème surgit dans la vie sociale, ce biais cognitif, négligence de la taux de base, surgit dès lors qu'on est confronté à une rareté statistique. Il se trouve que la radicalité, heureusement d'ailleurs, elle est sans doute déjà trop présente, mais enfin cette tendance de l'esprit à adhérer inconditionnellement à des idées radicales, qui peut définir la radicalité, eh bien elle est quand même rare statistiquement. Et comme elle est rare statistiquement, si vous avez un test de détection de la radicalité, comme prétendait le faire le gouvernement au moment où j'ai écrit ce livre, hein, par le numéro vert Stop Djihadisme, vous vous en souvenez peut-être, c'est un test tout à fait raisonnable et rationnel, sauf que voilà, comme la radicalité est quelque chose de relativement rare, il était presque certain que les services numéro vert allaient crouler sous les faux positifs. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais un peu prophétisé sans prendre beaucoup de risques dans une réunion ministérielle que je raconte dans ce livre. Donc les tests, il faut s'en méfier. Mais avant de parler de votre expérience dans des centres dits de déradicalisation, qui font l'objet de votre livre d'échange de rationalité, je voudrais revenir à cette histoire du Père Noël. Oui. On cesse de croire au Père Noël, dites-vous, à l'âge de 7 ans, soit parce qu'on a été instruit qu'il n'existait pas, soit parce qu'on découvre que les cadeaux qu'il est censé amener étaient planqués quelques jours avant dans un placard, ce qui est ma propre expérience, et que ce qu'on avait dans le placard se trouvait être au pied du sapin, donc il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Voilà. Il y a dans effectivement, il y a deux aspects de la croyance. Perdre une croyance, c'est douloureux, et ça explique pourquoi il est si difficile de les abattre. Alors dans le cas du Père Noël, qui est un exemple qui peut sembler trivial, mais qui contient effectivement une grande partie de la réalité de la croyance, il y a le fait que c'est douloureux. Les enfants d'ailleurs croient même que s'ils ne croient plus au Père Noël, ils n'auront plus de cadeaux. Hein, j'avais fait des entretiens sur cette question. Mais aussi, il faut bien le s'en souvenir, il y a une convergence de preuves pour croire au Père Noël. C'est rien qu'un complot de la famille, des grands, ceux qui portent l'autorité pour faire croire que cet individu existe. Il y a des signes, on peut le voir physiquement, le Père Noël. Il apporte des cadeaux. Si vous lui laissez une carotte pour ses rennes, eh bien, elle a disparu le lendemain, etc. Donc, ce qui est très intéressant dans cette affaire... Il y a vraiment des complots. Vous qui dénoncez les complotistes, vous êtes en fait qu'il y a des vrais complots. Ça existe de temps en temps, la preuve. Il y a un complot manifestement pour les enfants, mais enfin, c'est un complot bienveillant, même si on peut discuter de cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enfants, dès l'âge de 7 ans, sont en mesure de faire preuve justement d'esprit critique. C'est-à-dire, ils sont déjà des petits êtres relativement rationnels, parce qu'ils vont se saisir d'indices, d'incohérences, d'anomalies dans le récit qu'il aurait proposé, pour tout à coup en douter progressivement. À la limite, comme dans le monde de la science, si vous voulez, il y a des anomalies qui apparaissent et puis de temps en temps, il y a une révolution de programmatique ou paradigmatique, comme dirait Thomas Kuhn. Et on observe tout à fait cela chez les enfants. Évidemment, la première, et c'est là où c'est important, la concurrence intellectuelle, les premiers doutes viennent aussi de ce que les grands, dans la cour d'école, leur suggère qu'il y a un récit alternatif. Et c'est ça qui crée un coin, si vous voulez, dans la théorie qu'au début monolithique, ce sont les cadeaux viennent du Père Noël, ça crée une forme de concurrence, et face à cette concurrence, cette incertitude, l'esprit, s'il est bien constitué, va essayer de produire des tests, va chercher des preuves, pour mettre à l'épreuve ces deux théories qui sont en concurrence. Mais ça marche dans tous les sens, et autrement dit, l'esprit critique qui se manifeste là, on pourrait dire qu'il est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Oui, il y a un esprit critique qui est le mauvais, qui serait de contester toutes les thèses quelles qu'elles soient, et qui peuvent conduire à défendre des idées absurdes, et celui au contraire qui s'appuie sur des comparaisons, des tests, des arguments, qui en font quelque chose de salutaire pour la pensée. Et voilà, le problème c'est qu'il ne suffit pas de douter de tout, pour faire preuve d'esprit critique. Là, évidemment, on peut critiquer une institution, ça ne veut pas dire que vous faites preuve d'esprit critique. En fait, l'esprit critique, j'utilise pas toujours ce terme, je préfère souvent lui substituer à l'esprit critique la notion d'esprit méthodique, de pensée méthodique, parce que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a le droit au doute, bien entendu, mais comme tout droit, cela s'accompagne de devoirs. Et les devoirs du doute, c'est de douter avec méthode. Mais ces jeunes gens, ces enfants dont on parle, ils le font. ils doutent avec méthode. C'est-à-dire qu'ils ont des hypothèses contrefactuelles, ils utilisent des schémas hypothético-déductifs. Ils se disent, si les parents offrent les cadeaux, eh bien que je les vois avant la date du Père Noël, eh bien voilà, ça constitue une anomalie. On voit que le raisonnement est relativement rationnel. Et ça, dès l'âge de 7 ans. Alors venons-en aux attentats de Charlie de 2015 qui vous ont conduit à cette aventure que vous racontez dans votre livre. Vous expliquez que assez rapidement il y a 26 théories du complot qui sont apparues, notamment sur Internet. Et plus on a tenté de les contredire, plus on les a alimentées et on a augmenté leur poids sur Internet, justement. Oui, certainement. Alors là, c'est justement une des caractéristiques. C'est le marché de l'information dérégulé qui se met au service d'épidémies de crédulité, d'où le terme de mon livre, d'échéance de rationalité. Et là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le cadre de la pensée méthodique. Puisque vous pouvez essayer de faire des démonstrations, administrer la preuve, par exemple par une logique déductive. Vous pouvez éventuellement utiliser la logique inductive, mais là c'est pas la question. Ici, les conspirationnistes, la plupart du temps, n'ont pas de théorie générale. Ce qui les intéresse, c'est de contester la version officielle. Et pour cela, ils vont accumuler toute une série d'anomalies. N'est-ce pas ? Pour contester la version officielle, et on en trouve toujours des anomalies. Le réel est tellement complexe que si vous y cherchez, c'est une auberge espagnole, vous trouverez toujours des choses qui ne collent pas. Si on s'amusait à faire ceci dans le studio, je pense qu'il nous faudrait 5 minutes pour trouver des dizaines d'anomalies. Or, c'est un travail collectif. Internet permet là la mutualisation de l'effort de crédulité. Et ça a un double effet, en effet. Ça crée des millefeuilles argumentatifs qui donnent l'impression que tout ne peut pas être faux. On se dit d'accord, chaque argument est faible, mais l'ensemble donne une consistance. Et ça, c'est pas une façon d'administrer la preuve, en tout cas qu'on admettrait dans le monde scientifique. Qu'est-ce qui vous a amené, Gérald Brunner, à vous intéresser à cette question de la radicalité? Et pourquoi est-ce qu'on vous a contacté pour agir dans des centres censés déradicaliser des personnes qui se déclaraient volontaires pour l'être? Alors, ouais, vous dites une chose intéressante dans le livre, vous dites que vous avez dû assister à beaucoup de réunions. Oh oui. Et vous citez un dessin de Vooch qui met en scène un groupe d'individus longilignes à la mine triste autour d'une table, l'un d'eux précisant « Personne ne sortira de cette pièce avant que nous ayons pu répondre à ces deux questions. Première question, qui a organisé cette réunion ? Deuxième question, dans quel but ?» Voilà, oui, non mais Vooch a beaucoup de talent et résume assez bien la misère qui était la mienne de traîner dans un nombre de réunions dont on ne savait pas si elles allaient vraiment avoir le moindre intérêt. Alors, il se trouve tout simplement que j'ai, depuis ma thèse, soutenue maintenant il y a plusieurs dizaines d'années, j'ai toujours travaillé sur les croyances. Et je me suis intéressé à cet aspect particulier que sont les croyances extrêmes, les croyances radicales. Il y a bien longtemps, à une période où la France n'avait pas connu d'attentat depuis 16 ans, n'est-ce pas ? Et donc, c'était pas du tout un thème à la mode. Il se trouve que ce thème m'a rattrapé en quelque sorte. Et en effet, quand on m'a convoqué pour savoir si éventuellement ça m'intéresserait de donner un coup de main dans cette réflexion autour des phénomènes de radicalisation, ça m'a un peu inquiété, comme je l'explique dans le livre, parce que je me sens pas du tout compétent, en fait, pour ces questions. Ce sont des questions qui me passionnent, mais il me semblait, je pensais, qu'il y avait, du coup, en France, nous sommes comme un grand pays de recherche, des individus beaucoup plus spécialisés que je ne pouvais l'être sur ces questions-là. Et qu'ils avaient réfléchi, qu'ils avaient avancé. La vérité, c'est qu'ils s'en trouvaient, bien entendu, mais que nous étions tous, eux, y compris eux, un peu démunis face à cet objet. Parce que qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est de dire que des individus ont endossé un objet mental, en quelque sorte, une croyance, de façon si inconditionnelle qu'on craint qu'elle les fasse passer à l'acte violent, comme dans le cas du terrorisme. Et que faire ? Il y a une chose que je savais, et que je sais toujours, je crois, parce que je travaille sur les croyances, c'est que ça ne sert à rien de démentir une croyance. Ça ne sert à rien quand on a un croyant face à soi, et même dans certaines circonstances, ça renforce plutôt sa croyance. Et donc je me suis dit, quelle stratégie adopter ? Alors j'ai, comme je l'explique, j'ai eu plusieurs mois pour lire la littérature scientifique, car il existe une littérature scientifique sur la question de l'esprit critique. Parce que je pensais que c'était ça la solution. Il n'était pas question pour moi de les déradicaliser. Je ne me sens pas le droit et même la possibilité de changer les croyances d'un individu. Par contre, j'ai le droit de le contredire éventuellement. Moi aussi, j'ai mes valeurs et mes croyances. Mais ce qui me semblait possible, c'était de stimuler leur système immunitaire, c'est-à-dire de développer en effet leur pensée méthodique, ce qu'on a appelé dans le centre la prise de distance. n'est-ce pas ? Mais ça devait venir d'eux. Moi, je n'étais là que comme accoucheur, en quelque sorte. Je devais un peu leur indiquer la voie pour faire leur déclaration d'indépendance mentale. Et pour raisonner... Vous n'aviez affaire qu'à des volontaires, ce qui contre... Là, c'est quand même un problème méthodologique, parce que quand on est radicalisé, la probabilité qu'on a envie d'en sortir contredit l'idée même qu'on le soit. Oui, oui, c'est un beau paradoxe qui intéresserait d'ailleurs les philosophes analytiques. J'y fais brièvement référence dans le livre. En effet, on ne demande pas a priori à être déradicalisé. Alors, c'est pas du tout moi qui ai souhaité ce recrutement. Moi, je m'étais engagé à l'époque sur la base du fait que ça devait être des individus qui revenaient de Syrie, donc assez haut dans le spectre de la radicalisation. Mais ensuite, il y a eu les attentats du 13 novembre et le pouvoir politique a décidé, peut-être avec sagesse, je n'en sais rien, qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs qu'en prison des individus qui revenaient de la ligne du front terroriste. Et par conséquent, comment faire pour remplir ce centre ? Puisque maintenant, ils avaient annoncé la création de ce centre et donc ils ont trouvé toute une série d'individus qui étaient vraiment dissemblables. C'était pas homogène la classe que j'avais devant moi, hein, parce que j'y suis allé. Vous en dressez des portraits dans le livre et on voit qu'en effet, voilà, c'est très hétérogène. Ils sont très très différents les uns des autres, mais qui, pour des raisons donc différentes, acceptaient de rentrer dans ce centre. Certains, probablement, parce qu'ils étaient sous main de justice, et donc ils espéraient peut-être, je ne sais pas, amadouer le juge, montrer patte blanche, comme on dit, etc. Je ne sais pas, je n'étais pas dans leur cerveau. Mais ce qui est sûr, c'est que pour arriver face à eux, et j'ai donc dû compulser la littérature scientifique sur cette question. Alors, il y a des états de l'art. Par exemple, Abrami et ses collègues ont publié un article qui fait état des résultats de 684 études sur la pensée critique, sur l'esprit critique. Donc, on ne part pas de rien, n'est-ce pas ? Mais quand même, je ne dirais pas qu'on est, disons, dans un état pré-scientifique sur cette question, mais quand on compulse la littérature, on voit que les tests qui sont faits sont des pré-tests, post-tests pour voir l'efficacité, mais généralement, il n'y a pas d'échantillon témoin pour comparer l'efficacité. Généralement, il n'y a pas de randomisation, c'est pas des sujets qui passent l'expérimentation. Donc, ça n'est pas très méthodique. C'est pas encore, voilà. On est dans un état, je ne dirais pas non scientifique, mais on est dans un état un peu pré-scientifique. Il y a quand même des données qui montrent que pour sortir d'une secte, alors je prends le mot secte, tout ça, le plus banal. À partir du moment où un membre de la secte a quelques doutes, il faut des années pour qu'il... Il faut des années. Là, je renvoie notamment aux beaux travaux de Romy Sauvert, qui a fait un livre de PUF. Il parle de 6 à 8 ans pour sortir vraiment. Ça veut dire que le processus n'est pas du tout immédiat. C'est pas immédiat, c'est lent. Alors l'idée, c'était éventuellement de tenter d'accélérer ce processus et de le faire en se fondant sur l'excitation, effectivement, de leur pensée critique. Puisqu'on sait que quand on s'abîme dans des raisonnements qui nous conduisent vers des croyances, par exemple radicales, j'en prends qu'un exemple, on a du mal à accepter l'idée de hasard. Et tous les gens qui sont très radicalisés, et d'ailleurs ils me le disaient, à chaque fois que je rentrais dans le centre, ils me disaient « Monsieur, le hasard n'existe pas ». En général, vous avez l'impression que l'univers vous parle, que Dieu vous parle, et donc tout fait sens. Hein, vous conduisez votre voiture, vous avez 3 feux verts d'affilée, vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous a envoyé ce signe. Et ça, c'est pas seulement dans l'islam, hein, vous trouvez ça chez les charismatiques, enfin chez toute forme de croyance qui ont un rapport un peu inconditionnel. La pointe de la radicalité peut être caractérisée par cette absence de perception du hasard. Et donc, un des boulots que j'ai fait avec eux, c'est de leur montrer que dans certains cas, des explications fondées sur le hasard étaient plus satisfaisantes intellectuellement. C'était pas moi qui leur disais, ils le ressentaient. Une explication fondée sur une entité supérieure. Ben, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les pareidolies. Ah oui. Alors, j'allais vous interroger là-dessus. Qu'est-ce que c'est une pareidolie ? Alors une pareidolie, c'est le fait de voir de la forme dans de l'informe. C'est une capacité du cerveau qu'on a tous utilisée pour s'amuser. Par exemple, en regardant les nuages, on peut voir toutes sortes de choses. On a tous joué à ça, des visages, des chevaux, voilà. Bon, peut-être donner l'étymologie. Alors oui, ça. Para qui signifie à côté ou faux ou contre, et puis eidolon qui est le diminutif d'eidos qui signifie apparence. Et voilà. Donc ce sont les fausses apparences. C'est le fait de croire qu'on, enfin de prendre des vessies pour des lanternes, hein, tout simplement. Mais c'est une disposition qui est très profondément inscrite dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si je fais 2 points avec un trait en dessous, vous verrez un visage qui sourit, par exemple. Hein, par exemple les smileys, etc. Jouent sur ces réflexes pareidoliques. Donc alors comment se servir de cela ? Tout simplement parce que la plupart des pareidolies, même je tends à croire toutes les pareidolies que nous percevons, sont dus au hasard. Sauf si c'est un artiste qui les produit volontairement. Il y a un très bel exemple de ce que vous dites, c'est les anagrammes. Oui. Quand vous mélangez les lettres d'un mot, ça donne rien en général. Et de temps en temps, on trouve une belle anagramme, on dit tiens, ça fait sens, il y a un sens caché. Exactement. On est tous un peu kabbalistes alors que c'est juste le hasard. Alors, je sais que je parle à un spécialiste, mais peut-être justement, Étienne Klein, vous avez ressenti parfois qu'en ajustant ces mots et en faisant surgir un nouveau sens, il y avait un sens qui était véritablement caché. Alors là, non, jamais, bon. Mais les lecteurs le croient. Voilà. Alors je préfère ça, évidemment, parce que là, je vous aurais évidemment donné un point de déchéance de rationalité, mais vous avez raison, c'est le même processus. Alors on a trouvé toutes sortes de jeux, on faisait des jeux de rôle, etc. Et peu à peu, je crois que nous avons réussi à avancer véritablement, sérieusement, sur cette question, parce que ils arrivaient même à reconstruire un certain nombre de raisonnements, parce que là encore, il y a un biais cognitif derrière ce réflexe qui voit du sens là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle la négligence de la taille de l'échantillon. Alors qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement considérer que quelque chose est extraordinaire sans voir le nombre d'occurrences duquel il est issu. Par exemple, si vous avez une chance sur 1000 de réussir quelque chose, que vous filmez les 1000 fois, tu vois, par un jeu de fléchettes, et que vous ne gardez que, vous avez essayé 1000 fois, la fois où vous réussirez, vous pourrez faire croire à vos amis que vous êtes extraordinairement doué. Mais vous voyez que là, il y a une manipulation. Donc, que va faire l'esprit critique dans ce cas-là ? C'est de dire, formidable, tu as réussi une fois, mais combien de fois as-tu essayé ? Et cette question indique bien la reconstruction de la taille de l'échantillon duquel avait été issu. Et oui, est-ce que ce raisonnement ne peut pas être inversé par esprit critique ? Je vous en prie. En disant, mais il y a eu tellement d'échecs que la réussite, du coup, semble miraculeuse. Eh bien, non, je pense dans que dans le cas des avérames, par exemple, ça se passe un peu comme ça. Oui, ça se passe comme ça, mais justement, c'est une illusion de l'esprit. Et il avait c'est raison. C'est la satisfaction de l'esprit. Voilà, mais c'est tout à fait, il y a un effet de ce qu'on appelle un effet de dévoilement, c'est une satisfaction de l'esprit, mais on n'est pas obligé d'accepter d'être payé en monnaie de singe quand on essaye de raisonner. Vous avez raison, tout à l'heure vous citiez le beau passage d'Alain, le beau texte d'Alain, et je crois que c'est vrai, il y a une forme dans l'esprit de somnolence qui nous gagne toujours. Quelquefois l'esprit se réveille à cause de coïncidences, n'est-ce pas ? Et donc il peut y voir de la lumière. Ou de paradoxe. Alors l'esprit critique, je l'ai souvent dit et écrit, commence avant tout par soi-même. Et c'est l'erreur que font souvent les complotistes ou les conspirationnistes, pour revenir à eux, c'est d'adresser toute la puissance de leur esprit critique au discours des autres, des institutions, etc. Et chercher donc, encore une fois, des incohérences dans ces discours qu'ils ne manquent pas de pouvoir trouver. Mais le vrai esprit critique s'adresse avant tout, c'est une vigilance épistémique qui s'adresse à nous-mêmes, hein, au grand poids qui pèse sur notre rationalité, Dieu sait qu'ils sont très nombreux. Vous parlez, Charles Bonnand, dans ce livre aussi du sophisme de la dépense gâchée, qui est une traduction d'une expression américaine, je crois, qui est sunk cost fallacy. La sunk cost fallacy, oui. Et vous racontez une rencontre que vous avez eue avec Jean-Marc Rouillant, d'Action Directe, dans un studio de France Culture, il y a quelques mois. En quoi il consiste, ce sophisme de la dépense gâchée ? Le sophisme de la dépense gâchée, c'est le fait que nous soyons souvent incapables de revenir en arrière, de revenir sur une de nos décisions parce qu'elle nous a coûté cher, en quelque sorte. On a beaucoup investi. Voilà, on a beaucoup investi. Par exemple, vous attendez votre bus depuis 25-30 minutes, n'est-ce pas ? Et il vient toujours pas. Et vous dites, ce serait dommage que je parte maintenant parce que s'il arrive, c'est le sophisme de la dépense gâchée. Et probablement, j'usais de cette référence à propos de Rouillant, qui, comme vous le savez, a payé très cher ses engagements politiques, hein, par 30 ans de prison, si je me souviens bien, ses actes, bien sûr, dans des conditions difficiles. Et il me demandait, pour me provoquer, de le déradicaliser, lui. Et il croyait pas du tout à mon affaire d'esprit critique. Et bon, évidemment, j'aurais bien été incapable de le faire, mais surtout, je me disais, quand bien même aurais-je pu le faire, l'aurais-je fait ? Parce que j'aurais trouvé ça vraiment éminemment cruel. C'est un homme qui est maintenant vieillissant, et au crépuscule de sa vie, il a tellement investi dans son idéologie, etc., que même si il se rendait compte tout à coup qu'il s'était trompé, enfin, ça doit faire quand même quelque chose de se dire j'ai raté ma vie, quoi. J'ai consacré l'intégralité de ma vie à des lubies idéologiques. Voilà, je craignais que de lui faire subir la morsure du sophisme de la dépense gâchée. Et donc, quelle a été sa réaction ? Oh, ben ça, est-ce que vos propos l'ont troublé, ou est-ce que ça... Non, j'ai pas l'impression du tout. Ceci dit, vos auditeurs peuvent réécouter cette émission. C'était, je crois, dans le grain à moudre. Elles doivent être podcastables. Donc, ils jugeront par eux-mêmes. Non, j'ai pas l'impression de l'avoir ébranlé. Je lui ai apporté la contradiction. Et puis surtout, je ne lui ai pas dit que je craignais pour lui qu'il puisse subir la morsure du sophisme de la dépense gâchée. C'était plutôt une rêverie que j'ai eue après notre entretien. Je crois vous connaître assez bien, Charles Bonnand. C'est la troisième fois que vous venez à la conversation scientifique, mais j'ai découvert que vous n'aimiez pas conduire. et que au volant vous pouvez être victime de stress intense. Oui, alors vous racontez ça parce que vous avez dû vous rendre dans ce centre. Qui est situé où Alors il s'est situé à Beaumont-Environ. Voilà, il a disparu. Donc il fallait prendre un train, puis ensuite il fallait que je loue une voiture pour aller jusqu'à ce centre. Alors c'est pas que j'aime pas conduire, j'aime conduire, mais par contre j'ai peur de me perdre. J'ai peur de me perdre. Et le GPS a été pour moi une invention tout à fait prodigieuse. Parce qu'elle a réduit considérablement mes angoisses. Mais malgré tout, justement, le GPS avait de gros problèmes. Comme je disais, les bénéficiaires du centre auraient dit qu'il y avait le chétan dans ce GPS parce qu'il me conduisait au cœur de la forêt, dans des impasses, enfin bref. Donc j'arrivais malheureusement assez souvent en retard dans ce centre. Alors comment se sont passées ces rencontres avec ces personnes qui étaient... Quelques dizaines, c'est ça? Oui, c'était une dizaine de personnes. Donc, c'était effectivement beaucoup. Faut reconnaître, il y avait beaucoup d'argent public dans ce centre. C'était un peu expérimental pour pas beaucoup de jeunes gens. Une dizaine. Et puis, certains disparaissaient parce qu'ils allaient à la casse-prison, parce que certains l'un d'entre eux en particulier essayait de partir deux fois en Syrie. Et, enfin, vous voyez, donc c'était des personnages un peu différents les uns des autres. Bah, les rencontres se passaient très bien. Franchement, j'avais un peu peur, je le raconte dans le livre avant d'y aller, parce que c'était une époque quand même très troublée, elle l'est encore aujourd'hui, mais un peu moins, où il y avait des attentats terribles. Et évidemment, mes proches s'inquiétaient un peu pour moi, aller dans ce centre. D'ailleurs, la population de Beaumont-Aveyron s'inquiétait beaucoup aussi de l'implantation de ce centre, donc je comprenais bien tout ça, mais honnêtement, a posteriori, je trouve mes craintes un peu ridicules. Parce que les gens qui étaient là étaient enfermés ou pouvaient sortir? Du tout. D'abord, ils étaient... volontaire, et c'est pour ça que le centre a fermé prématurément, parce que quand on est volontaire, on part quand on veut, donc au bout d'un moment, ils sont tous partis, au bout de quelques mois, donc on n'a pas pu faire la session de 10 mois qui avait été prévue. Et ils étaient, oui, ils étaient libres, bien entendu. C'était pas des prisonniers. D'ailleurs, ils n'avaient rien à se reprocher, hein, ces gens qui étaient dans ce centre. Faut pas l'oublier, sauf ceux qui étaient sous main de justice, mais c'était pas pour cette raison-là qu'ils étaient dans le centre. Donc, ils n'avaient rien à se reprocher a priori. Et donc ils m'ont plutôt très bien accueilli, ça les intéressait beaucoup, c'est ça qui m'a le plus surpris. D'autant que certains d'entre eux disaient dormir mal le soir à cause de mes interventions. Ils racontaient ça aux éducateurs qui les encadraient et à cause de mes interventions, mais en même temps, ils souhaitaient que je vienne plus souvent. Donc vous voyez les paradoxes de l'esprit. Vous avez éveillé un désir d'insomnie. J'espère en tout cas, j'espère que ça leur a apporté quelque chose. Vraiment le problème, disons, le problème principal qu'on a sur les questions d'esprit critique, c'est ce qu'on appelle le transfert. Le problème de transfert, c'est de dire, oui, on peut exciter facilement l'esprit critique, la pensée analytique, avec des résultats dans le temps du laboratoire qui sont tangibles, mais est-ce que ça dure? Est-ce que ça dure sur le long terme? Et là, il y a encore un gros point d'interrogation sur ces questions, il manque encore beaucoup de science, mais tant mieux, du coup la question est passionnante. Bon, après la science, on va écouter un peu de musique. Vous avez choisi un morceau de James Brown. De James Brown, oui, tout. Nous allons l'écouter. One, two, three, ho! France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Soul, get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. That funky soul. When I say Sagittarius, I drive that funky soul. When I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, ow, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that? Get yourself together. Gérald Brunner, James Brown. Alors le titre, je ne le connais pas, vous l'avez oublié. On le mettra sur le site web. Mais pourquoi ce choix? J'aime beaucoup James Brown et puis je trouve que ce titre indique pourquoi il était considéré comme vraiment des princes de la funk. Et puis moi j'aime danser, voilà, je me dévoile un peu. Oui. Et c'est un titre qui dure 9 minutes. Voilà, je trouve que j'adore la musique obsessionnelle. Vous voyez, il y a un rythme comme dans la musique électronique qui revient. À un moment, ça devient presque un peu un rituel. Alors Delphine Lemaire me souffle à l'oreille le titre People Get Up and Drive Your Funky Soul. Vous le dites magnifiquement. Bah voilà. Alors. Toutes ces histoires de biais sont passionnantes et vous citez dans votre livre « Déchéance de rationalité » un exemple assez connu, celui d'un mathématicien qui s'appelle Abraham Wald et qui a, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les bombardiers anglais revenaient criblés de balles, fait une remarque tout à fait pertinente qui n'avait sauté à l'esprit de personne avant lui. Bah oui, parce qu'on essayait aussi de rationaliser notamment le renforcement de ces avions. Et alors, on a établi un peu des statistiques sur l'impact de balles et on s'est aperçu que les avions étaient touchés particulièrement sur les ailes, sur la queue, etc. etc. Et la question s'est posée de savoir quels endroits on devait renforcer. Et si vous posez cette question, intuitivement, les gens vont dire il faut mettre évidemment un renforcement sur les endroits où il y a le plus d'impact de balles. Bah oui, c'est une erreur. Oui, parce que ceux qui auraient été touchés ailleurs sont pas revenus. Et voilà. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. En fait, ceux qui sont revenus ont survécu et c'est donc que les dommages faits à ces avions n'étaient pas si graves. Et ça n'a pas suffi à les détruire. Donc vous voyez, y compris en temps de guerre, eh bien, on pourrait avoir des mais ce monsieur qui l'a compris, qui est un mathématicien, Abraham Wald, est considéré comme un génie. Or, c'est quand même... un raisonnement assez facile mais c'est ça qui est intéressant avec ces histoires de biais, c'est souvent que quand on connaît la bonne solution, on trouve ça un peu évident. Mais précisément, le reste du temps, nous abandonnons à notre somnolence. C'est-à-dire pour se poser la question, il faut voir qu'il y a un problème. Et on ne voit pas toujours qu'il y a un problème. Et précisément, l'enseignement de l'esprit critique, c'est ça. C'est apprendre à voir des problèmes là où la plupart des gens voient des évidences. Et à partir du moment où vous problématisez le réel de cette façon, eh bien, vous commencez à vous méfier de vos propres intuitions. C'est exactement ça que les biais, effectivement, vers quoi les biais nous conduisent. Et quelle leçon tirez-vous de cette expérience que vous avez eue et des individus, non pas radicalisés, mais en tout cas susceptibles de le devenir et qui étaient candidats pour cesser de l'être? Plus ou moins sincèrement, mais en tout cas, l'expérience n'a pas duré aussi longtemps que vous l'auriez. Non, alors je m'étais engagé dans cette expérience, d'abord pour retourner un peu sur le terrain. Hein, j'ai fait du terrain, j'ai observé une secte pendant un an, etc. J'ai fait pas mal d'entretiens, mais là j'avais envie de revenir un peu sur un terrain qui était plus expérimental que véritablement scientifique, étant donné les conditions. Mais j'avais mis quand même, puisque j'étais bénévole dans cette aventure, j'avais mis quand même une condition, c'est qu'il y a un pré-test et un post-test pour essayer d'évaluer quand même, tant bien que mal, si ce que j'avais fait et ce que les autres avaient fait avait servi à quelque chose. Malheureusement, le pré-test a pu être fait, mais pas le post-test. Et donc, ça n'a aucune valeur scientifique à proprement parler. Mais ce que j'en retire, c'est d'avoir quand même pu tester, je dirais dans des conditions écologiques, c'est-à-dire in vivo, un certain nombre de choses que j'avais lues dans la littérature scientifique. Et ce que j'ai pu voir, notamment sur ces questions, c'est qu'en effet, il faut essayer d'aller, et c'est possible, même avec ces jeunes gens qui n'avaient pas toujours un très haut niveau d'éducation et un niveau d'études, il faut aller au soubassement cognitif des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut essayer. Vous voyez, une croyance, c'est quoi dans le fond? Une croyance, c'est un récit. On va dire que c'est la chair, mais grosso modo, il y a un squelette cognitif, des raisonnements, des inférences. Donc moi, je laissais tomber la chair de ces croyances et j'allais au cœur des inférences qui aboutissaient à ces croyances. Ça avait un double avantage. D'une part, ils ne me repoussaient pas, ils ne se sentaient pas agressés dans leurs croyances parce que je ne touchais pas leur identité. Et puis en même temps, on espérait éventuellement les rendre aptes à voir les défauts de la mécanique sous ces croyances. Et donc, premièrement, ce que j'ai vu que c'est ce qui fonctionne, c'est ce que dit la littérature, c'est qu'il faut multiplier les exemples analogiques. Il suffit pas de tirer une équation et leur dire, voilà, il faut la prendre par cœur. Non, il faut montrer, par exemple, la négligence de la taille de l'échantillon, que je mentionnais tout à l'heure. Je l'aurais explicité à travers des dizaines, peut-être même plus d'exemples. Je n'ai cessé de faire cela pour que ça s'implémente en quelque sorte dans leur mémoire. Je leur donnais l'exemple des astrologues. Vous savez, les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours, disait Voltaire. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont juste. Mais ce qui nous impressionne, si ça nous impressionne, c'est que nous oublions le nombre incomparable de fois où ils se trompent. Hein. Donc je leur donnais des tas d'exemples issus de la vie quotidienne et surtout, je leur proposais d'en m'apporter de semaine en semaine. Ils donnaient de propres exemples dans la vie du centre. Alors ça les amusait beaucoup parce qu'ils se moquaient des éducateurs. Et du coup, ils s'appropriaient la méthode de la pensée critique. Et vous les avez interrogés sur l'exemple qu'on citait tout à l'heure, celui du Père Noël, qui ne les concernait pas directement, mais sur lequel ils avaient des choses à dire. Oui, mais c'était un peu triste. En réalité, j'ai commencé un peu comme ça, pour les décrisper, parce qu'au départ, la première séance, on était tous un peu crispés. Moi-même, bien sûr, mais eux aussi, on se regardait un peu en chien de faïence. Et je vais leur dire dans le fond, ça c'est un autre élément important que dit la littérature sur cette question, c'est qu'il faut parler en quelque sorte franchement. Il faut leur dire ce qu'on va faire. Faut pas essayer de les entortiller, etc. Il faut dire ce qu'on va faire, il faut dire qu'on va travailler sur la pensée critique, comment on va le faire et pourquoi on va le faire. C'est exactement ce que j'ai fait avec eux. Et pour qu'ils ne se sentent pas, en quelque sorte, mis en examen, j'ai commencé par parler du fait qu'on a tous été croyants un jour, par exemple le Père Noël, et qu'on a tous abandonné cette croyance, et que c'est pas pour autant justement qu'on était stupide. J'essayais de montrer que même les enfants avaient des raisons de croire au Père Noël, comme ils avaient des raisons de ne plus y croire. Sauf que la plupart d'entre eux n'avaient jamais cru au Père Noël, en réalité, parce que certains venaient de familles musulmanes peut-être, et qu'on pratiquait pas ce mythe dans ces familles. Et puis surtout, j'ai découvert la misère sociale de certains d'entre eux, hein, parce que pas de cadeaux. Non, certains n'avaient pas de cadeaux parce qu'ils passaient de famille en famille d'accueil. Enfin bon, bref, il y avait devant moi, pas tous, mais un certain nombre de jeunes gens qui en avaient bavé en quelque sorte. Il faut bien le reconnaître. De ce point de vue, ils n'étaient pas forcément représentatifs d'ailleurs des populations d'individus radicalisés tels qu'on peut trouver gens qui sont allés sur le front de Syrie ou d'Irak. Alors qu'est-ce que vous voulez dire, Gérald Brunner, quand vous écrivez « L'impression de savoir est bien plus dangereuse pour la connaissance que l'ignorance ». Mais oui, c'est bien plus dangereux parce que l'impression de savoir, c'est ce qui va justement baisser votre vigilance épistémique. Si vous pensez savoir, vous n'allez pas investir du temps de cerveau en quelque sorte pour challenger, pour mettre en danger votre représentation. Vous croyez en pensant savoir. Voilà. Mais c'est la grande ruse de la croyance, c'est de se faire passer pour de la connaissance. Moi-même qui suis, quand je vous parle là, je suis sûr porteur d'un certain nombre de croyances, mais je pense que ce sont des connaissances. Alors que quand on sait qu'on ignore quelque chose, alors soit on est indifférent au sujet, c'était une autre question, mais alors à ce moment-là on peut croire par délégation, c'est-à-dire qu'on peut se dire je fais confiance à ceux qui sont porteurs d'autorité, aux experts, etc. Ou alors on fait un travail d'appréhension de la connaissance. Mais si on croit déjà savoir, on n'est pas capable de produire cet effort. Et là encore, la notion d'effort, c'est pour ça que j'aimais bien le terme de somnolence chez Alain. Il disait c'est dire non. Oui, non, c'est tout à coup se redresser. On sent bien que ça va nous coûter de l'énergie. Mais c'est pas du tout seulement une métaphore, ça coûte vraiment de l'énergie au cerveau, ça, c'est consommateur de glucose, vous savez, notre cerveau, cet organe, on consomme beaucoup. Et on sait que l'activation du cortex préfrontal, par exemple, qui va arbitrer entre plusieurs possibles, ce sont des activités intellectuelles qui sont très énergivores. Donc c'est normal que le cerveau, qui est un bon père de famille en quelque sorte, hein, qui gère son énergie comme un bon père de famille, n'accepte pas de produire des efforts tout le temps. Il préfère s'abandonner à des routines mentales, et heureusement d'ailleurs, parce que si nous étions toujours en état de pensée critique, en état de pensée méthodique, l'humanité aurait tout simplement disparu depuis longtemps. Nous en avons besoin de ces courts-circuits de l'esprit, de ces raccourcis. Simplement, il faut savoir quelquefois leur dire non. Vous connaissez ce texte de Nietzsche dans Humain trop humain qui s'appelle L'avenir de la science, c'est un texte d'une page dans lequel il parle des deux cerveaux de l'homme. Il y en a un qui donne de l'énergie, il faut se chauffer aux illusions, dit-il, c'est de là que vient l'énergie, aux idées bornées, aux passions, et se servir de la science pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Oui, oui. Et il dit, si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. Oui. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois, la ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. Et c'est un texte très fort, et pourtant il ne connaissait pas Internet, mais je dirais que ce texte devient effectivement très prophétique. Mais il parle de la toile, il continue en disant « L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle Pénélope, défaite pendant la nuit ». Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force? Voilà, je refuse bien entendu d'y voir une prophétie au premier sens du terme, mais effectivement c'est extrêmement bien vu. Mais Tocqueville le disait aussi, hein, le faux va plus vite que le vrai. Enfin, ce sont des considérations qui existaient depuis toujours dans l'humanité, mais qui ont été en effet amplifiées par la dérégulation du marché de l'information qui est Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les propositions intellectuelles sont un peu librement en concurrence. Toutes les thèses sont là. elles sont en concurrence. Pendant longtemps, croyance et connaissance ont joué à s'éviter, en quelque sorte. D'ailleurs, si vous défendiez la connaissance, il y a des périodes où ça peut vous coûter très cher. Vous pouvez terminer au bûcher, par exemple. Si vous contestiez, si vous proposiez une concurrence sur ce marché des idées. Aujourd'hui, ce marché est donc totalement libéralisé. Et on aurait pu espérer que ce qui allait s'imposer, c'était les propositions intellectuelles, justement, les plus proches de la pensée méthodique, les mieux argumentées, que le vrai allait s'imposer de soi. Peut-être que ça va arriver à moyen et long terme, je n'en sais rien. Je suis pas un prophète, moi, justement. Mais par contre, c'est qu'à court terme, on peut donner raison à Nietzsche, c'est-à-dire ce qui s'impose... Les réseaux sociaux donnent raison à Nietzsche. Voilà. Et ce qui s'impose, c'est pas les produits les plus construits argumentativement, mais les produits les plus satisfaisants pour le fonctionnement. C'est-à-dire que notre cerveau, il est avide de satisfaction. Oui. Psychique. Oui. Plus qu'intellectuel. Oui, il est addict, en quelque sorte. Il a une addiction à ce qui lui paraît intuitif, ce qui va vite, ce qui lui demande le moins d'efforts possible. Mais il a des ressources formidables, puisque vous voyez qu'on est en train de parler de l'esprit critique. Nous aussi, nous avons des cerveaux. Et donc, c'est que nous sommes bien capables, à un moment donné, d'introduire une forme de concurrence par rapport à ces friandises que sont les infox, les justement, vous faites une analogie avec le sucre. Vous parlez de l'épidémie d'obésité. Qui est mondial, je crois, et qui vient du fait que notre organisme n'est pas forcément adapté au fait de recevoir du sucre autant qu'on a envie d'en manger. Ouais. Et là, c'est la même chose avec l'information. Exactement, c'est la même chose qui est en train de nous arriver. Notre cerveau n'est pas adapté à recevoir autant d'informations différentes, contradictoires, et il a besoin de faire des choix qu'il fait selon des critères qui ne sont pas méthodiques. Exactement, et c'est pourquoi il faut mettre là-dedans de la volonté, je ne sais pas si on peut appeler ça de la politique, mais en tout cas de la volonté, pour ne pas, disons, nous abandonner aux pentes naturelles que nous propose notre cerveau. Mais, encore une fois, tant qu'il y a un cerveau humain, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'en même temps que j'ai dit ça, il y a aussi dans le cerveau des ressources pour contredire ces pentes naturelles. De la même façon que nous pouvons résister. Nous faisons des régimes, nous faisons du sport. Je sais que vous êtes très sportif, Étienne Klein. Et moi, je le suis aussi. Donc, c'est pas une critique. Nous pouvons pratiquer toute une série de choses pour éviter le stockage de graisse. C'est pas quand on mange du sucre, ça va stocker en nous comme de la graisse. Et en effet, quand on produit à des niveaux industriels le sucre, eh bien, la tentation est forte peu à peu. De se nourrir de graisse, de sucre. On voit bien quand on a très faim le genre de choses qu'on a envie de manger. C'est pas des brocolis, hein, à quelques exceptions près. Mais on peut résister à cela. Bah, de la même façon, il est difficile de résister à des tas de propositions d'information. C'est pas seulement le faux. Il est très difficile de résister à un clash, à une polémique. Un tel et un tel se sont disputés sur le plateau de je ne sais quelle télévision. Très difficile de pas aller jeter un coup d'œil quand même sur la vidéo, surtout si elle dure pas 30 minutes, si elle dure 2-3 minutes. Bah, notre cerveau est intéressé par ça parce que le clash, la dispute, c'est potentiellement pour lui, c'est comme ça qu'il interprète, un danger, un risque. Et notre cerveau, c'est un ultra détecteur de risque, n'est-ce pas? C'est un obèse de ce point de vue. Il cherche absolument à détecter le risque. Et puis, ben, quand le risque est mis en scène de façon permanente sur le marché de l'information, il va se goinfrer. Voilà. Donc, il faudrait se mettre Mais un peu à la diète. On n'a pas toujours envie de clash de cette sorte. Vous parlez, par exemple, dans les campus américains, vous dites qu'il y a une épidémie de sensibilité. Et oui, donc, dès lors qu'une croyance est défendue avec sincérité par la personne qui y croit, qui la présente, ben, il est malvenu d'aller contester cette croyance parce que ça pourrait froisser, abîmer, marginaliser la personne qui la défend. Alors oui, non, mais on aime le clash quand ce sont les autres, ouais. Mais on n'aime pas être évidemment clashé, mis en danger soi-même identitairement, et on voit en effet que sur certains campus américains, il y a une épidémie de sensibilité, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus être confronté à des formes de contradictions. Alors là, on n'est pas du tout, justement, c'est dramatique, parce qu'on n'est pas du tout dans la définition que proposait Alain de la pensée. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus entendre non. Et là, vous le savez, sur un campus ou dans un lycée, au lycée Washington, au Canada, si je ne m'abuse, on va défaire une fresque. Parce que cette fresque racontait le fait que les États-Unis, et à juste titre, elle le faisait, était considérée comme une fresque non raciste, racontait que les États-Unis avaient fait de l'esclavage, avaient massacré les Amérindiens, enfin les gens qui migraient vers les États-Unis. Et aujourd'hui, on va défaire cette fresque, on va la détruire, tout simplement parce qu'on la considère offensante. C'est-à-dire qu'elle montre une vérité, qui n'est pas du tout raciste en soi, au contraire. Elle montre une vérité que des individus ne veulent plus voir. Et ce que je crains, pour l'avenir, et là on serait vraiment dans la démocratie des crédules, c'est que effectivement, titre d'un de vos ouvrages, d'un précédent ouvrage, effectivement, les croyants revendiquent des droits, le droit de ne pas être offensé de façon permanente, et que les rationalistes, dont je pense faire partie, eh bien sont obligés de garder le silence pour ne pas offenser l'expression particulière de ces croyances. Chacun aurait le droit de penser ce qu'il veut, mais à condition de ne pas contredire les autres, en quelque sorte. Là, c'est vraiment la dystopie totale pour un rationaliste. C'est-à-dire qu'on abandonne l'idée, pour reprendre la formule de Bachelard, que penser, vraiment penser, ça rejoint ce que disait Alain, que je citais tout à l'heure, penser, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire Absolument. Obliger son cerveau à entendre autre chose que ce qu'il produit spontanément lui-même. Absolument, ça peut être douloureux, mais c'est à ce prix qu'on fait sa déclaration d'indépendance mentale, c'est-à-dire qu'on gagne en liberté. Vous avez fréquenté Gérald Bonnand pendant cette période que vous décrivez de nombreuses personnalités politiques. Et vous dites en conclusion, de façon un peu désabusée, mais peut-être que ça a changé depuis, vous dites « les politiques sont souvent atteints d'une forme d'amnésie entérograde légère ». Oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de politiques, effectivement, c'est normal, ce sont des questions qui intéressent beaucoup le pouvoir public. Et je dois dire toujours, rencontrer des gens intelligents, sincères je pense, pas dans leur cerveau mais je suppose, et pourtant qui ne tenaient pas leurs promesses, qui faisaient des promesses de gascon sans cesse. Je crois que c'est dû au fait qu'ils ont des agendas de ministres, hein, c'est-à-dire absolument démentiels, et qu'ils n'ont pas de priorité, si vous voulez, ils n'ont pas de stratégie à moyen et long terme. C'est-à-dire que la politique devient totalement court-termiste. Alors je pense que ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé. Il devrait y avoir des coachs temporels, finalement, les politiques, pour leur rappeler un certain nombre de missions à moyen et long terme qui se sont fixées, je pense, assez sincèrement. Mais au jour le jour, vous avez cette grève-là, vous avez cette contestation ici, vous avez je ne sais quoi, tel programme à mettre en place, je pense notamment pour l'éducation nationale. Et c'est devenu, je crois, un poids absolument démentiel à gérer. D'autant que, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a décidé, en essayant de réduire les dépenses publiques, de limiter beaucoup les conseillers dans chaque ministère. Je pense que c'était une très mauvaise décision, parce qu'effectivement, ça laisse un certain nombre de décideurs, disons, peu entourés, alors que le travail est titanesque. Donc vous racontez dans le livre qu'on vous promet des documents, des données, à chaque fois ça se rapproche, vous relancez, et puis finalement, rien ne se passe. Et vous terminez par une note donc très très triste et désabusée, mais je crois que récemment vous avez pris des fonctions dans le conseil scientifique de l'éducation nationale à propos justement de ces affaires d'esprit critique. Et je sais que c'est le démarrage de votre mission, donc il est prématuré de vous demander vos conclusions. Ah oui, mais qu'est-ce là, que vous allez proposer pour que l'esprit critique soit enseigné de bonne manière dans les classes des collèges et des lycées? Bah oui, une de mes déceptions, c'est effectivement le fait d'avoir suggéré, d'ailleurs au ministère précédent aussi, hein, et puis à ce ministère d'éducation nationale aujourd'hui, de développer l'esprit critique. Je pense que c'est devenu une mission fondamentale de l'école, à l'heure de la dérégulation du marché de l'information. Je crois que vraiment, ça doit être une priorité maintenant d'avancer sur ces sujets. Et là encore, je suis tombé, dont d'ailleurs le ministre Jean-Michel Blanquer, hein, sur des gens tout à fait sincères, qui avaient conscience du problème, qui voulaient avancer, mais voilà, il se passait rien. Et j'ai retenu ma plume avant d'écrire cette conclusion de mon livre, un peu désabusée comme vous l'avez dit. J'aurais dû la retenir un peu plus longtemps, mais peut-être est-ce la sortie du livre aussi qui a accéléré les choses, ça je n'en sais rien, corrélation n'étant pas causalité. Eh bien, il est vrai qu'on m'a recontacté au ministère de l'Éducation nationale, et moi je ne suis pas du tout rancunier en l'occurrence, au contraire. Moi j'y vois un signe. Peut-être. Ça peut pas être le hasard. Voilà. Alors je ne peux pas trancher rationnellement cette question, je suspends mon jugement, mais en tout cas j'étais bien sûr très heureux, il n'y avait aucune raison que je dise non, de rentrer au Conseil scientifique de l'éducation nationale avec cette mission que je me fixe moi-même, d'aider à la réflexion autour de la pensée critique, de la pensée méthodique et éventuellement la faire advenir en tant qu'enseignement dans les écoles. Je dois dire que je ne suis pas seul sur cette question. Il y a notamment Elena Pasquinelli qui travaille avec la main à la pâte et qui travaille depuis longtemps sur ces questions, qui a fait plusieurs rapports sur ce sujet, et nous avons monté, on va se voir dans quelques jours, nous avons monté un groupe de travail à l'intérieur de l'éducation nationale sur la promotion de l'esprit critique. Donc, wait and see, ça ne nous empêche pas parallèlement de travailler notamment par exemple avec Nicolas Gauvry et un certain nombre d'autres collègues dans une ANR, hein, donc un groupe de recherche spécifiquement sur la pensée critique et la pensée méthodique. Mais alors, quelles sont vos idées a priori? alors, vous allez soumettre à la discussion. Alors très modestement, moi ce que j'aimerais, c'est essayer d'avancer sur l'enseignement de la théorie de l'évolution. Parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai travaillé un peu sur ces questions, donc je pense comprendre assez bien les biais cognitifs qui sont à l'œuvre et qui nous la rendent très contre-intuitive, cette thèse darwiniste, la théorie de l'évolution. Et par ailleurs, c'est un vrai sujet social important, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus contestée, y compris en France, ce qui est hallucinant, bien sûr, dans certains groupes en particulier d'élèves. Et donc, je proposerais de faire des tests sur ces questions, des expérimentations, pour voir si, en l'enseignant d'une autre façon, elle devient plus intuitive, plus naturellement comprise que de la façon dont on enseigne aujourd'hui. Là aussi, on fera les choses, j'espère, proprement, avec un prétexte, un post-texte, une randomisation, un échantillon témoin, et puis on verra bien. Parce que sur la question de l'esprit critique, et d'ailleurs sur les méthodes pédagogiques en général, il est extrêmement dur d'avoir des tailles d'effets significatives. Donc il faut être extrêmement modeste. Si on gagne, ne serait-ce qu'epsilon, ça sera toujours ça de gagner, mais il ne faut pas croire que ça sera un coup de baguette magique et qu'on va faire la révolution comme ça, du jour au lendemain. En tout cas, ce qu'il faut faire, il faut le faire avec humilité et méthode. Mais quand on vous écoute, Gérard Bonnet, on a l'impression que vous faites une différence assez nette entre les croyances et les connaissances. Aujourd'hui, les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des informations, des opinions, des commentaires, des fake news, des bobards, etc. Et les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si elle ne porte pas une connaissance. Quand on a affaire à une connaissance, on se demande si elle n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Mais oui. De sorte que la séparation a tendance à s'émousser. Et d'autre part, les connaissances qui sont partagées, par exemple le fait que la Terre est ronde, ne sont pas partagées au sens où chacun serait capable de dire comment on a su que la Terre est ronde. Autrement dit, ce sont des connaissances qui s'accompagnent d'une ignorance de leur propre histoire et de la façon dont au cours de l'histoire des idées, elles se sont constituées comme connaissances. Et est-ce oui. que ça ne les fragilise pas par rapport aux croyances qui sont défendues avec des arguments qui semblent très nombreux et qu'on trouve facilement sur Internet? Vous avez raison, il y a une forme de cacophonie, hein. C'était cette concurrence que j'évoquais tout à l'heure, où tout est un peu de niveau. Et donc c'est bien cette situation qui rend si urgent l'enseignement de l'esprit critique, parce que précisément l'esprit critique nous apporte des méthodes pour distinguer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Et une des méthodes qui est très intéressante que vous avez mentionnée, c'est de reconstruire l'histoire intellectuelle qui a abouti à l'apparition de cette connaissance. Pourquoi l'on sait ce que l'on sait ? Et vous êtes, je le sais, très particulièrement bien placé pour dire cela, puisque de votre côté, je sais que ça doit être l'esprit finalement de la collection que vous avez lancée, je crois, aux éditions de l'Observatoire, et je pense que c'est tout à fait le genre de chose, d'initiative qu'il faut prendre. En fait, c'est faire un peu d'épistémologie, hein. L'épistémologie, c'est un peu la science de la science et de l'histoire. Les deux sont mêlés. Je pense qu'il faut le faire dès le plus bas niveau de l'enseignement, quand c'est possible, hein, dès les plus jeunes âges, jusqu'à l'université. Je veux dire, je pense que les médecins, par exemple, ceux qui étudient la médecine, ceux qui étudient la physique, ceux qui étudient la biologie, etc., devraient faire systématiquement de l'épistémologie pour savoir d'où viennent ces équations, d'où viennent ces théorèmes, d'où vient ce que l'on sait. Le problème, c'est que ça prend un temps fou d'enseigner ces choses. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et prendre des exemples. Il faut faire des choix, mais je pense qu'aujourd'hui, le choix prioritaire doit être l'indépendance mentale, la capacité à apprendre par soi-même. C'est ce qu'on appelle aussi la métacognition, c'est-à-dire la connaissance que vous avez de votre propre cognition et son contrôle, en quelque sorte. Mais en même temps, vous avez raison, on sait que ces efforts de métacognition ne fonctionnent pas tout seuls, il faut aussi un contenu de la connaissance. Il ne suffit pas juste d'apprendre à raisonner dans l'abstrait. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui fonctionne, c'est les très nombreux exemples différents, avec le même socle cognitif, donner des exemples analogique, et c'est à cette condition qu'on arrive à faire ce fameux transfert, c'est-à-dire rendre vraiment autonomes les individus en dehors de la salle de classe, parce qu'une fois que la porte est fermée, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Et c'est ça la question quand même, le but de l'éducation, c'est aussi de faire des citoyens éclairés, et en démocratie, c'est totalement fondamental. Donc précisément, si on ne veut pas se diriger vers la démocratie des crédules, mais qu'on essaie de se diriger vers la démocratie de la connaissance, eh bien, il faut faire cet effort dès maintenant. C'est un effort à long terme, mais qui est aujourd'hui incontournable. Mais Gérald Bonnet, on pourrait vous définir, il suffit d'ailleurs de vous entendre, comme une sorte de combattant de la rationalité. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que c'est... Alors ce combat, vous le dites à la fin du livre, vous semble tout à fait prioritaire, précisément parce que nous sommes dans une démocratie. Et dans une démocratie, la connaissance les méthodes doivent pouvoir circuler sans trop d'obstacles. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir à court terme? Bah d'abord, Jean d'Ormesson disait, un optimiste, c'est quelqu'un qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Oui, je ne pense pas que cette définition s'applique à vous, mais on sent chez vous beaucoup d'énergie dans ce combat. Oui, d'abord, je regrette que ça soit un combat. Mais malheureusement, c'est devenu un combat. Ok. Et je suis d'une nature optimiste. Je suis vraiment d'une nature optimiste. J'aime la vie, je suis toujours enthousiaste. Souvent, je me réveille tôt le matin parce que j'ai envie de vivre. Voilà, il faut que je me calme. Parfois, j'ai besoin de dormir, mais j'ai du mal à ne pas me lever. Ben, je fais beaucoup de sport et ça ne me suffit pas, manifestement. Mais pour dire la vérité, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de symptômes de ces épidémies de crédulité. Et surtout, ce qui m'affecte le plus, c'est la contamination des décisions politiques, de certaines décisions juridiques, du traitement médiatique de certaines questions, qui me déconcertent. Justement, j'avais un exemple à vous proposer pour avoir votre avis. Au mois de juillet 2019, a paru un sondage qui montre que 69% des Français pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique. Ouais. Alors, on peut penser tout le mal qu'on veut du nucléaire, mais en tout cas, cet argument est faux. Et comment vous expliquez une telle proportion, qui d'ailleurs s'élève à 89% pour les jeunes de 18 à 24 ans, comment est-ce qu'une telle idée fausse peut se propager? Et quand on voit qu'elle se propage, comment se fait-il que personne ne réagisse pour la corriger? D'abord, certains réagissent pour la corriger. J'ai moi-même réagi sur ces questions. J'ai pas vu ça, pardon. Alors, j'avais fait un édito qui s'appelait « Pour une écologie rationnelle ». Et une des choses que je reprochais justement à certains écologistes, c'est de faire des propositions qui sont incompatibles entre elles. Par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, et ça, il faut vraiment le faire, et en même temps, vouloir abolir ici et maintenant le nucléaire, ce qui me paraît incompatible, en tout cas à court et moyen terme. Bon, je crois que l'exemple catastrophique de l'Allemagne nous devrait nous faire réfléchir. Et donc, mais pourquoi? Parce que d'abord, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, l'impression de savoir. Ces gens qui répondent à ces questions, faut toujours se méfier des sondages, parce qu'on dit... Enfin, c'est des proportions énormes, parce que c'est beaucoup de gens, 70%, et c'est des gens que je connais pas, donc où sont-ils? Alors oui, mais sans doute parce que vous fréquentez un échantillon peu représentatif de la population française. Non, j'interroge beaucoup de gens et tout le monde sait que c'est faux, et pourtant on obtient ce chiffre par le sondage. Mais il y a surtout un effet de halo. Je pense que le nucléaire est vu, a priori intuitivement, par beaucoup de nos concitoyens comme quelque chose de non écologique. Donc on le fait servir à tout. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est un effet de halo, c'est un cheval de Troie pour n'importe quelle forme de détestation. Et dès lors, s'il y a une juste préoccupation environnementale, sans doute que le nucléaire doit être un peu responsable de ça. Mais j'ai pas vraiment travaillé sérieusement sur cette question pour répondre tout à fait sincèrement. Ceci dit, c'est un problème parce que, en effet, cette multiplication des alertes, que ce soit le compteur Linky, le nucléaire, les ondes, etc., qui sont plus ou moins, qui semblent être attestées par certaines décisions juridiques, je pense au compteur Linky, ou même à un certain traitement médiatique, on va dire de la somnolence là, où il n'y a pas beaucoup de vigilance épistémique, font aussi, il faut se mettre à la place de nos concitoyens, diffusent un certain nombre d'idées. Ce sont des sujets qui sont très techniques, on n'a pas forcément envie de s'y plonger. Et dès lors qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de consensus et qu'en plus, c'est le pire de tout, que la science doit vaguement dire ça aussi, on ne va pas creuser, on ne dit pas non, on dit oui, on s'abandonne à ces intuitions qui sont fausses. J'aurais beaucoup de choses en réaction à ce que vous venez de dire, mais le temps a passé, c'est la fin de cette émission. Merci Gérald Bronner d'être venu nous parler de l'esprit critique. C'était la conversation scientifique. Avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Olivier Dupré et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.